Il est 12h30, ici Dominique Lelièvre pour les informations à CKRL. Le premier ministre français Manuel Valls est en visite à Québec. Il a visité ce matin le Vieux-Québec en compagnie du premier ministre Philippe Couillard. Il doit également rencontrer cet après-midi le chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, Jean-François Lisée. À Ottawa hier, Manuel Valls a livré aux côtés de son homologue Justin Trudeau un plaidoyer pour que l'Union européenne signe l'accord de libre-échange avec le Canada. Il s'est aussi ouvert sur le thème de l'identité au cours d'un déjeuner de presse où il a estimé que le voile intégral n'avait pas sa place dans l'espace public. Dossier de l'usine Anacolor à Cap-Rouge, l'entreprise invitait ce matin les médias pour réaffirmer sa volonté de réduire les émissions polluantes et d'être un bon citoyen corporatif, et ce même si elle conteste présentement devant les tribunaux le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Anacolor trouve irréaliste la consigne du ministère de l'Environnement de réduire de 90 % ses émissions d'ici 5 mois. Pour autant, il assure faire le nécessaire pour rétablir la situation. Elle dit s'être notamment procuré des équipements en ce sens. Rappelons qu'Anacolor, qui se spécialise dans la peinture de métaux, est pointé du doigt pour des émissions polluantes au-delà des normes. Un regroupement de citoyens est en discussion pour émettre un possible recours collectif devant les tribunaux contre cette entreprise. Le nouveau chef péquiste Jean-François Lisée participait ce matin au premier caucus du Parti québécois depuis son élection. Il a affirmé qu'il procéderait à un rééquilibrage de sa position sur la laïcité. Il a aussi complété l'exercice délicat qui consiste à désigner les membres de son cabinet fantôme. Les fonctions importantes de leader parlementaire et de whip du parti vont respectivement à Pascal Bérubé et Carole Poirier, qui sont 2 des 5 députés l'ayant appuyé au cours de sa campagne. La députée de Taschereau, Agnès Maltais, qui s'était, elle, impliquée dans la campagne d'Alexandre Cloutier, conserve ses fonctions de porte-parole en matière de laïcité, et le candidat déchu, M. Cloutier, lui, hérite de l'éducation et des affaires autochtones. Enfin, le Gala du cinéma québécois a trouvé un nouveau nom aux anciens prix Jutras. Il faudra désormais parler des prix Iris. L'annonce est survenue après une consultation auprès du public et des artisans du milieu. Le nom des prix Jutras avait dû être abandonné il y a quelques mois à la suite de cette controverse entourant Claude Jutras et des allégations de pédophilie. La météo est une présentation de Rainfray Volkswagen. Durant le Volksfest, réveillez-vous au volant de la Volkswagen de vos rêves avec le financement à partir de 0 % sur 84 mois ou jusqu'à 6 000 $ de rabais. C'est plus frais aujourd'hui côté météo. Il fait présentement 6 degrés avec des nuages. Le mercure qui devrait monter à 9 cet après-midi. Minimum de plus 1 cette nuit. Une alternance de soleil et de nuages demain avec un maximum de 14 degrés. Des averses dimanche avec 17 degrés. Et le retour du soleil programmé pour lundi avec 14 degrés.